Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue à ce journal de langue française dont voici les principaux titres. Quatre personnes ont été blessées par une grenade lancée dans un bistrot dans la nuit de ce samedi dans la province de Gitega et le commissaire de police interpelle tous les propriétaires des cabarets à collaborer avec les comités mixtes de sécurité pour plus de sécurité. Les partis Savoignan Frodebou et Iprona trouvent le discours du secrétaire général du parti au pouvoir prononcé au terme de la prière d'action de grâce à Gitega rassurant et demande que ce mot qui appelle les Burundais à la cohésion sociale et au respect des verdicts des urnes pour les élections de 2020 soit traduit dans les faits. Et plus de 40 hectares de la réserve naturelle de Vianda de la province de Bururi sont déjà réduits en cendres depuis le mois de juillet dernier et le responsable de cette terre protégée pointe du doigt les éleveurs des vaches comme étant à l'origine de ces incendies. Et le reportage d'aujourd'hui nous mène dans la province de Rumonge où les jeunes humanistes ont du mal à trouver de l'emploi et l'administration provinciale appelle ces derniers à créer les propres travaux. Bienvenue à ce journal mis en onde par Eric Ouimana. À la présentation, vous êtes avec Placide Niomonge. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Au moins une quarantaine de blessés, tel est le bilan d'un accident de roulage survenu au niveau de Kamuna sur la route Gitega-Rutana en commune Rutana vers 22h de ce samedi. Des sources sur place indiquent qu'un camion de marque Fuso de Guiharo avait en son bord 100 personnes qui rentraient de la croisade des dizaines de DFDD et de la rencontre des Imbonerakure de ce parti quand il s'est renversé après l'échec de son système de freinage. Ces sources indiquent que certains blessés ont été conduits à l'hôpital de Rutana et d'autres à Guihofi. La vie de la plupart n'est pas en danger selon les sources médicales. Le commissaire provincial de police à Rutana confirme l'information mais dresse un bilan moins lourd. Selon lui, la trentaine de personnes conduites à l'hôpital de Rutana n'est pas toutes blessées. Il fait savoir que oui, seulement étaient réellement blessées et insérées, déjà transférées à Bujumbura. Et quatre personnes ont été blessées par une grenade lancée dans la nuit de ce samedi à dimanche dans un bar appelé Boutezi de Gitega. Et le commissaire de police dans cette province indique que deux personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête et que les blessés sont à l'hôpital régional de Gitega pour être très soignés. Ce commissaire interpelle les propriétaires des cabarets à collaborer avec les comités mixtes de sécurité afin de dénoncer tout individu qui affiche un comportement suspicieux afin que les procédés à son identification. Page politique de cette édition, le discours du secrétaire général du parti CNDD-FDD lors de la clôture de la prière d'action de grâce à Gitega, appelant les Burundais à la cohésion sociale et au respect des verdicts des urnes pour les élections de 2020 sont des propos qu'il faut appuyer. C'est de là la réaction du vice-président du parti Savoignan Frodebou qui demande que ces paroles soient accompagnées par des effets pour un bon avenir du pays. Suivez Léon Singenda Koumana, vice-président du parti Savoignan Frodebou. Par rapport au discours, par rapport aux options de collaborer avec tous les Burundais et les partenaires du Burundi, c'est vraiment une très bonne chose qu'il faut appuyer. Mais nous avons des inquiétudes que cette idée soit traduite dans les faits. Nous avons des problèmes de savoir si effectivement ces principes vont être traduits en objectifs opérationnels sur le terrain, parce que pour préparer et organiser des élections crédibles, acceptables, moi je dis acceptables parce que pour le Burundi, parler d'élections libres, parler d'élections transparentes, parler d'élections démocratiques, contexte où nous sommes aujourd'hui, ça serait trop dire. Il faut alors les préparer dès maintenant. Il faut d'abord arrêter ces violences. Il faut ensuite rétablir la confiance dans le pays parce que nous constatons qu'il y a des tentatives de diverses divisions politiques et ethniques même. Il faut faire en sorte que le Burundi ait une image positive. Travailler de manière à ce que nous ayons des moyens pour lutter contre la pauvreté. Les élections qui sont préparées uniquement dans l'esprit d'avoir des postes pour quelques individus, moi, je ne les soutiens pas. Alors, pour que ces élections soient crédibles, il faut commencer à les préparer maintenant. Il faut que les réfugiés rentrent. Il faut que les prisonniers politiques soient libérés. voilà les conditions, les tactiques qui doivent être remplies. Et il faut qu'il agisse alors dans ce sens-là, montrer à l'opinion que c'est faisable. Mais est-ce que le parti Frodez-vous serait prêt à collaborer avec les organes du parti CNDD-FDD pour rétablir la confiance afin de se faire sortir le pays de cette situation dont vous parlez? Le Frodez-vous a été et reste ouvert pour collaborer avec n'importe quelle personne, avec n'importe quel parti politique, avec n'importe quelle organisation, avec n'importe quel pouvoir, pourvu que l'objectif poursuivi dans toutes ces catégories soit d'instaurer un état de droit au Burundi. Nous avons travaillé avec des pouvoirs qui ont non seulement renversé les institutions, mais qui ont assassiné même les élus, à commencer par le président de la République. Le premier à être élu démocratiquement au Burundi. Nous avons collaboré avec ces pouvoirs jusqu'à avoir l'accord d'Arusha. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui ne pas travailler avec les organes du parti CNDD-FDD? C'est impossible. C'était Léonce Ngenda Kumana, vice-président du parti Sawanya Frodez-vous. Pour le parti Iprona, les propos du secrétaire général du parti au pouvoir sont rassurants. Selon le président de ce parti, Abel Gachatsi, une fois mise en application, son discours permettra de bonnes préparations des élections de 2020 et un bon retour des réfugiés. Il a prononcé un discours qui rassure la population burundaise et nous-mêmes, le président du parti politique et les membres du parti Iprona. Ce discours nous rassure, d'autant plus qu'il a prononcé que le parti au pouvoir va tout faire pour renforcer l'unité au sein des partis politiques, renforcer l'unité dans les familles, renforcer l'unité dans différentes confessions religieuses, ce qui est une bonne chose. Et dans ce discours, il a également prononcé qu'il va tout faire pour inviter nos confrères citoyens se trouvant en exil à l'étranger de regagner le bercail et rentrer au pays. Pour dire que c'est un discours qui rassure, une fois mis en application, va stabiliser notre pays. C'est ce que l'Iprona souhaite. Nous souhaitons que nos frères se trouvent à l'étranger puissent rentrer afin de se préparer ensemble aux élections de 2020. Si ce discours n'est pas mis en application, est-ce qu'il y aurait des conséquences relatives à l'avenir du pays? Effectivement, si ce qu'il a dit n'est pas mis en application, dans ce cas, il y aura toujours des grognes. C'est pourquoi je pense que le fait que le secrétaire général du parti CNDD-FDD a prononcé ce discours, je pense qu'il va tout faire pour que ce qu'il a dit soit traduit dans une réalité. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme appelle les jeunes à adopter un comportement responsable et éviter les facilités. Jean-Baptiste Bali Bonekeza, président de cette commission, s'exprima ce vendredi lors d'une rencontre avec plus de 200 jeunes, a précisé que la loi sur les violences basées sur le genre mérite d'être vulgarisée, c'est toucher les jeunes, une catégorie vulnérable. Les violences basées sur le genre continuent à être une préoccupation pour le Burundi comme pour les autres pays d'ailleurs. Nous avons choisi de nous adresser particulièrement aux jeunes parce que c'est une catégorie particulièrement vulnérable, et surtout pour les questions par exemple liées au viol, au mariage précoce, à la prostitution forcée, aux grossesses non désirées ou encore au harcèlement. Donc il y a tellement de préoccupations qui touchent particulièrement les jeunes. Nous appelons les jeunes à adopter un comportement responsable, à éviter la voie de la facilité et à poursuivre leurs ambitions d'une façon focalisée et aussi d'une façon, disons, sereine, d'éviter tout ce qui peut les induire en erreur, en attirant leur attention aussi sur les conséquences légales, n'est-ce pas, de comportements délictueux. Nous pensons évidemment que c'est de cette manière-là que les jeunes, en fait, finiront par mûrir et devenir des adultes, des hommes et des femmes responsables. Et le centre pour jeunes initié sur décret présidentiel en 2009 tourne au ralenti ces derniers jours. Cela est dû au manque d'équipement, comme a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports. Jean Bosco Hitimala a fait savoir que des mesures relatives vont être prises pour redynamiser ces centres. C'était ce vendredi lors de la célébration de la journée de la jeunesse. C'est le reportage signé Dieudonné Nzeyimana depuis Muyinga. Chaque commune doit avoir un centre pour jeunes conformément à un décret présidentiel datant de 2009. Mais par endroit, les 10 centres ne fonctionnent plus faute d'équipement. Jean Bosco Hitimana, ministre en charge de la jeunesse, admet que des mesures d'accompagnement ont manqué. Depuis 2009, le président de la République a signé un décret portant création et fonctionnement des centres pour jeunes. Par rapport à leur dysfonctionnement, je dois admettre que c'est une préoccupation des gouvernements qui va bientôt essayer de les redynamiser en nommant des chargés de suivi de ces centres province par province. Au centre jeune de Muyinga, parfois des jeunes se rencontrent pour des activités culturelles, mais il arrive que ce centre soit utilisé comme lieu de détention provisoire des irréguliers ou encore comme lieu de culte par des églises qui s'en servent les week-ends. Dieudonné Nzeyimana de Muyinga pour la radio Isanganiro. Dieudonné Nzeyimana, merci. De Muyinga, nous rendons dans la province de Gitega. La gestion des affaires publiques ne respectait pas la loi dans la plupart des cas. Cela a été dit par les responsables du Centre national de formation des acteurs de la décentralisation, un centre du ministère de développement communal. Il donne comme cause l'ignorance de la loi et la non-appropriation du cadre légal en la matière de Gitega, Blaise Pascal Kararumi. Le ministère du Développement communal a fait des enquêtes sur le fonctionnement des communes et a remarqué que les différents services et domaines de la commune sont caractérisés par un dysfonctionnement. De quel fonctionnement pèse lourd sur la population? Cela est dit par le coordinateur du Centre national de formation des acteurs locaux de la décentralisation, CENEFAL en sigle, de son même ministère. Serge Ndjevari Kanouye, le coordinateur national, et Mme Erinka Patrice Mugisha, chargée de la formation et renforcement des capacités au niveau de ceux du ministère, affirme que la gestion des affaires publiques au niveau des communes ne respecte pas, dans la plupart des cas, la loi. Ils l'ont dit lors d'un atelier de formation des formateurs qui sont chargés du renforcement des capacités des acteurs locaux de la décentralisation de toutes les provinces du pays et sur le thème de décentralisation et gestion des affaires publiques locales. Dans cet atelier qui a duré 6 jours de cette semaine, de même que Lieven Yokindi, le directeur du département chargé de la formation et renforcement des capacités au niveau du ministère de l'Intérieur, ils ont tous indiqué que des formations de renforcement de capacités à l'égard de ces acteurs de développement au niveau local, seront dispensés pour toutes les communes et que de là, on fera face à l'ignorance et à la non-appropriation du cadre légal qui doit guider toute gestion de toute affaire publique. Ils indiquent que cela permettra d'arriver à un développement durable et harmonieux de toutes les communes du pays. Depuis Gitega, Karalumi et Blaise Pascal pour la radio Isanganiro. Merci Blaise et Pascal. Avant le reportage du jour, nous rendons dans la province de Bururi aussi des pays où plus de 40 hectares de la réserve naturelle et forestière de Vianda sont déjà ravagés par des incendies criminels depuis juillet de l'année en cours. Cédric Tuissin, qui est responsable de la protection de cette réserve, pointe du doigt les éleveurs de vaches et demande à l'administration de base de redoubler d'efforts dans la sensibilisation de la population contre ces incendies. N'est-ce pas Jean-Pierre Misago depuis Bururi? Les localités de Nyabukumba, Muzimu et Gakere ont été les plus touchées par ces incendies criminels dans cette aire protégée du sud du Burundi, réputée pour sa population de plus d'une centaine de chimpanzés, selon Cédric Tuissenge, responsable de la protection de cette réserve naturelle forestière de Vianda. Les auteurs de ces incendies n'ont pas encore été attrapés car profitant des heures avancées. Cependant, Cédric Tuissenge pointe du doigt au premier plan les éleveurs de vaches installés irrégulièrement à l'intérieur de cette réserve de 4670 hectares, mais aussi ceux des ménages avoisinant cette réserve. Par ailleurs, ces incendies sont de temps en autre causés par des exploitants clandestins de charbon, selon ce protecteur de l'environnement, qui appelle du coup à l'administration locale à redoubler d'efforts dans la sensibilisation de la population dans le sens de la lutte contre ces feux dont les conséquences sur l'agriculture et l'écotourisme ne sont plus à démontrer. Cédric Tuissenge se réjouit tout de même du pas franchi dans la lutte contre ces feux, car selon lui, dans les années écoulées et à cette même date, au moins 300 hectares étaient déjà partis en fumée. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Dans le reportage d'aujourd'hui, les jeunes qui terminent les études dans la province de Lomongue font savoir que l'accès à l'emploi est l'un des défis auxquels ils sont rencontrés. Et l'administrateur provincial appelle ces jeunes à créer leur propre emploi. Charles Makoto a été à Lomongue. Voici ce reportage. Le manque d'emploi est l'un des problèmes majeurs auxquels fait face la jeunesse de la province Lomongue. Âgé de 26 ans, Gervais Nakirutimana, natif de la colline Gahinda en commune Burambi, il est finaliste de l'école normale il y a une année. Il dit ne pas être le seul dans ce statut de sans-emploi. Il indique néanmoins qu'ils essaient de vivre ensemble malgré la pauvreté. Les jeunes cohabitent pacifiquement. Lors des vacances, nous devenons nombreux et nous nous débrouillons tant bien que mal. Je ne suis pas l'unique sans emploi, nous sommes nombreux ici. Certains vont ici et là pour chercher de quoi vivre. Ceux qui n'ont pas de chance d'aller nulle part restent ici, mais nous essayons d'aider dans différentes activités pour mieux résister au manque du travail. Marius Nahumuriye, chef de colline Gahinda de la même commune Burambi, fait savoir que les jeunes de sa colline souffrent de manque d'emploi, bien que cela n'a pas d'impact négatif sur la cohabitation pacifique. Le problème que nous avons est que les jeunes mènent une vie difficile, car la plupart d'entre eux sont des sans-emploi. Ils ont fait des études, curieusement, ils n'ont pas du travail. Ils ne peuvent même pas s'acheter du savon, faute de travail, il n'y a pas des ONG qui sont opérationnelles dans la région. Ils ne sont pas embauchés par l'État, vous comprenez par là qu'ils mènent une vie difficile. Cependant, cela n'a pas d'impact négatif sur leur cohabitation. Le gouverneur de la province Lomongue invite les jeunes de sa province à créer eux-mêmes leurs emplois. Il y a des jeunes qui sont sans emploi, mais qui ont fait des études. Il y a d'autres qui subissent l'enseignement scolaire et ceux qui n'ont pas fréquenté l'école. Les projets à l'égard de ces jeunes concernent avant tout la sensibilisation. Nous leur disons qu'il est aujourd'hui difficile d'être embauché par la fonction publique. C'est par miracle qu'on soit engagé par l'État. Cependant, les jeunes doivent eux-mêmes être capables de créer du travail. Nous leur disons également que presque tous les Burundais veulent venir à Lomongue à la recherche de l'emploi. Ceux de chez nous disent qu'il manque quoi faire au moment où ceux d'ailleurs disent « Allons trouver du travail à Lomongue ». Preuve qu'ils ont du travail, ils le sous-estiment sciemment. Juvenal Bigirimana félicite les jeunes qui ont déjà initié des diverses activités génératrices de revenus, dont les salons de coiffure, le petit commerce, la pêche et d'autres. Merci Charles Makoto pour ce reportage. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongele. Bonne soirée dominicale à tous. Au revoir.